Chapitre 29e. Le lieu me parut plus intéressant à mesure que je le connus mieux. La cascade fut une des premières études que je me proposais de faire. Le défrichement, fort étendu, suivait le cours de l'eau. On avait respecté les arbres qui étaient sur les bords. De l'autre côté, les bois étaient restés vierges. Ils s'étendaient fort loin et s'appuyaient à une montagne peu élevée, mais enfin une montagne. Ce qui m'étonnait pendant cette première visite, c'était un silence profond. La nature paraissait morte. Pas un cri ne se faisait entendre. Aucun oiseau ne volait. Aucun reptile à terre. Pas un insecte. Rien. Toujours rien. Le soleil brillait pourtant. J'étais au milieu d'une immense clairière pleine de fleurs, de baies de toutes sortes. Cette déception ne me fit pas abandonner mes projets pour le lendemain. Et quand j'eus vu tout ce dont j'avais besoin, je revins à la case où était ma tante et où Polycarpe, couché sur le ventre, dormait en m'attendant. La chaleur de ma case, dont la porte et les fenêtres se trouvaient au soleil couchant, me fit lever avant le jour, et après avoir tout préparé, je commençai l'éducation de Polycarpe sur ses devoirs d'être photographe. Il portait ma chambre noire et son pied jusqu'à destination. Je le suivais portant mon parasol, ma montre et ma chaise de voyage. Lorsque j'avais choisi ma place, il devait, quand je revenais, faire mes préparatifs sous ma tente, me suivre pas à pas si le chemin était passable, ou me précéder, le sabre à la main, si les obstacles étaient trop difficiles à franchir. Il devait en outre, quand le soleil serait trop chaud, tenir sur ma tête un parapluie ouvert. Tout cela fut parfaitement exécuté quant au fond, mais la forme laissa toujours à désirer. J'étais souvent, et comme c'est nécessaire en photographie, obligé d'aller très vite, surtout lorsque j'étais éloigné de ma tente. L'affreux Polycarpe n'en allait que plus lentement. Je n'ai jamais pu le faire courir une seule fois. Je passais plusieurs journées à faire à peu près la même chose. J'avais mis la peinture et la chasse de côté momentanément, et je me consacrais à la photographie dans des lieux où certainement personne n'en avait fait. Ce moyen peu artistique avait l'avantage, en reproduisant des détails qui eussent été trop longs à rendre, d'économiser mon temps. Le colonel venait quelquefois me visiter. Il me faisait toujours présent de victuailles, toujours reçu avec reconnaissance. Ceux qui vivent à Paris, n'ayant d'autre inquiétude que de savoir s'ils dîneront au café anglais ou au café de Paris, trouvons sans doute que je pense beaucoup à mes repas. J'y penserai bien davantage dans quelques mois, et le bon colonel B ne sera plus là pour mettre sur ma table tantôt un morceau de lard, tantôt des œufs de tortue, une poule, et mieux que tout cela, du pain. Ma solitude, depuis quelques jours, avait été un peu plus animée. On avait envoyé 4 Indiens Murat pour travailler à la grande case. J'avais de nouveau quitté la photographie pour la peinture, n'ayant garde de négliger la bonne fortune qui me tombait dans la personne de ces Indiens. Il s'agissait ensuite de pénétrer dans les bois du côté où la rivière était libre, car presque de toutes parts, les arbres poussaient dans l'eau. Je n'avais d'autre moyen que de me déshabiller. Quant à Polycarpe, ce n'était pas une affaire. Sur l'autre bord, il fallait se frayer un passage au milieu des troncs, des branches, des épines. La petite rivière ne fut pas un grand obstacle. Nous marchâmes plus d'un quart d'heure au soleil. La chaleur était bien plus forte encore au milieu de ces amas desséchés. Enfin, nous arrivâmes à la fin du défrichement maudit et nous trouvâmes un sentier. Nous étions dans les bois. Polycarpe portait mon sac de voyage et moi mes ustensiles de chasse. Il allait d'abord devant moi assez facilement. Le sentier, peu encombré par les plantes, ne rendait pas le sabre très nécessaire. Cependant, plusieurs fois, mon page s'arrêta sous divers prétextes et me laissa passer devant. Je ne fus pas longtemps à comprendre qu'il avait peur. J'allais à l'aventure, m'étonnant toujours de n'entendre aucun autre cri que celui du crapaud. Pas plus d'oiseaux que dans le voisinage de ma case. Mais comme après tout mon but en venant était de peindre, je marchais toujours en notant les points qui m'intéressaient le plus. J'entendais depuis fort longtemps le bruit d'une autre cascade. Sans doute, c'était la continuation de la première. Effectivement, en approchant, je retrouvais la rivière avec ses eaux noires. L'eau tombait sur une pierre ayant la forme d'un tombeau. La cascade était interrompue, elle se retrouvait plus loin, sur la même masse de rochers, qui dans cette partie me parut un peu moins élevée que dans l'autre, et de là, se précipitait avec un grand bruit. Ce lieu me parut être le point où je devais marquer ma limite. J'appelai Polycarpe, je plantai non ma tente mais mon parasol, et fidèle à ma vocation, je commençais mon quatrième panorama à l'abri des moustiques, au bruit des cascades et sous un toit de verdure impénétrable aux rayons du soleil. J'ai été parfaitement heureux dans ce moment. J'avais tous les avantages sans les inconvénients. Mes belles forêts que j'avais tant regrettées, tant désirées, je les avais retrouvées. L'affreux Polycarpe s'était fait un lit avec les branches de palmier. Il ne dormait pas, il écoutait, ayant placé près de lui mon fusil sous le prétexte de l'empêcher de tomber dans l'eau. Je lui sus gré intérieurement de cette attention. Nous nous en retournâmes par le même sentier. J'avais passé une délicieuse après-midi.